J'ai la salle, un petit peu, mais je peux pas aller dans une salle. trop de femmes cartoon. Qui va garder mes joues un chip tout doux. Je ne frappe pas mes caresses, malgré ma paresse. Mais dans ma paresse, à ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice, mais pas de calice. M'en fous, je veux juste ma mise. Et j'en peur de l'autre, je suis même pas petit police. Y'a des CRS pacifiques, des comptes pacifiques. Des singes, j'ai pas de saut. Minis haut, dans tes crânes profondes. We'll be right back. tirant sur bambou, c'est mon dernier coup, pas de malheur. Dans le tilleul, puis j'aime bien l'idée, j'ai ma foule tout seul, mais c'est plus tard. Et c'est mieux, je récupère le titre, je crois encore aux hirondelles, pour lever le bras, crier ce qu'on peut la réalité là, j'aime bien trop mon jeu là. Come. Mais en fait, Voilà tous, déjà. Un peu de haine en soi, tous un type qu'on n'aime pas. Mais l'amour, pas facile.